C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Réflexe subversif, c'est pas fictif. Esthétique, magnifique, dans le miroir magique, un charme énigmatique, des mimiques excentriques. Réfléchis. Et de libertinage dans la nuit sauvage. Angélique, le classique, caprice psychédélique, des éclats sardoniques, kaléidoscopiques. Enchanté, bariolage, grimage ou maquillage, la fête des mirages, des masques sans visage. Fantomatique. Miroite-moi, aime-moi, s'il te plaît, fais-moi croire, admire et emmène-moi loin d'ici. Top 5, pas 3, 5, ouais, 5. Oui, pour la semaine du 23-29 octobre 2017, je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Je pense que c'est la première fois de l'histoire qu'on commence avec une pièce. Oui, à oui. Moins que je me trompe. Tu te trompes pas. Je pense que non. Bref, on vient d'entendre Rudy Bernard avec Vanity Song qui monte de la 9e place en 5e position francophone. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir continuer avec notre position numéro 5 anglophone, suivi des 4e. Exactement. Donc, Mathieu, si tu me le permets, je vais te dire la numéro 5 anglophone. C'est rare qu'on fait ça. Mais ça va être Gogol Bordello et Saboteur Blues. Donc, automatiquement, le top 1 du côté anglophone cette semaine change. T'as pas tard là-dessus? Mm-hmm. Et puis plus tard, juste après ça, en 4e place, on entendra en anglophone Partner avec Everybody Knows You're High. Mais aussi Full Face de Danny Placard qui a monté de 3 positions depuis la semaine dernière. Mais comme tu disais, on commence avec Gogol Bordello. tout de suite dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Hey, ça va être bon, ça? Bon dîner, là. Oui, bon dîner. Ah, tu fais bien de le rappeler quand même. Je sais. Bon appétit! Tartinade quelconque. Oh! Smoothie. Pour dîner. Dessert. Tour Blues. Saboteur Blues. Saboteur Blues. On sait que la nuit est un autre audit. Quand le jour se ferme la gueule, je mets mon full face body. Et enfin, je serai seul. Je fais du vacarme pour te faire. Plus.

Everybody Knows You're High par Partner, c'est la position numéro 4 anglophone. Ça monte la 20e place. Du côté francophone, en 4e position, c'était Full Face de Dani Placard qui, elle, monte de 3 positions depuis le dernier palmarès. Et au début du bloc, c'était Gogol Bordello et l'ancien numéro 1 anglophone Saboteur Blues sur l'album Seeking and Finders. Et en 5e francophone, on a monté de 4 positions pour Rudy Bernard et Vanity Song. Voilà, ça veut dire qu'on est rendu dans le top 3. Avant, par contre, de passer au top 3, est-ce que tu nous prépares une chronique pour plus tard dans l'émission? Eh bien oui, Mathieu, certainement. Quel genre? Huile de palme. Oh, ouais. La continuité du dernier segment ou d'hier, tout dépendant de quand vous écoutez. Hier, j'y étais un petit peu dans les styles musicaux différents quand même. Pas nécessairement ce que je vous fais entendre. C'est moins pop. Vous allez voir, même chose aujourd'hui. On va juste continuer. Ça va couler, tel de l'érable dans... C'est comme, ouais. Du sirop. C'est ça. Dans un érable. Ouais, c'est ça. Comme quand les gens disent bonne continuité. Pareil. Ça va être ça. En troisième place, anglophone, on retrouve Dead From Above 1979 avec Never Swim Alone qui monte de 2 places. Et du côté francophone, eh bien, je suis désolée de vous dire que le top 1 a changé parce qu'il se trouve maintenant en 3e position. Voici Héros ou Ennemi d'Octoplate. C'est vraiment plate de dire ouais, ça. Ouais, je suis désolée. C'est les palmarès récifs. Au 89 FM. Savoir, héros ennemis, qui t'a compté. Est-ce que c'est une chanson ou une pancarte d'avertissement? Oh. Ne nagez jamais seul. Dead From Above 1979, qui est en position numéro 3, ça monte de deux places en anglophone. Et du côté francophone, eh bien, comme on l'a dit, c'est l'ancien numéro 1 qui est Octoplot et Héros ou Ennemi. Malade! En deuxième place anglophone, tantôt de Pac Haley avec Dollhouse. Du côté francophone, on reste stable depuis le dernier palmarès. C'est Pony avec Phoenix. Au palmarès, c'est vous! Au 89 FM. Oh, wow! Tiny spark. La Pagaidi avec Dollhouse, position numéro 3 anglophone. Ça monte. C'est la position numéro 2, je m'excuse. Oui. Ça monte d'une place. Colin, déjà. Déjà. Déjà rendu là. Pendant que du côté francophone, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on est resté stable depuis le dernier palmarès pour Félix et Pony. Oui. C'est des choses qui arrivent, hein. On bouge pas. Ça on reste là. Ça me prend par surprise, tout ça. C'est incroyable. Ouais. Ça veut dire déjà qu'on est rendu à ton segment. Si je comprends bien, après le numéro 2. Oui, oui. Ah, tu vois, toi aussi, ça t'a pris par surprise. Je ne suis pas seul ça là-dedans. Ça m'a vraiment pris par surprise. Je ne suis pas seul à vivre ça. Non, exact. Donc, on se prépare, on prend le temps quand ben même. Ben oui, on prend exact. Le temps, parce que moi, je vais chanter pendant... Pas chanter pendant ce temps-là, mais en fait, je pourrais chanter quelque chose là-dessus. Il n'y a rien à chanter là-dessus. Je sais pas. As-tu quelque chose à chanter? Attends que je réfléchisse, là. Ah ouais, je pense que j'ai de quoi. Attends un peu. On va recommencer. On va la repartir, OK? Attends un peu. OK. On va traire le pire. On va tordre la guenille. Oh mon Dieu. On va explorer les tuyaux d'Internet. OK. Ça te va? Ouais, ouais. C'est, ouais. Je vais travailler là-dessus. Pas pire. Bref, c'est Huile de palmarès où on fait, comme j'ai dit, l'activité de tordre l'Internet pour trouver le meilleur du petit jus. Mm-hmm. C'est juste pour les lunchs. C'est bien ce qui se passe. C'est ça. Donc, tu nous as trouvé quelques petites découvertes musicales. Oui, tout à fait. La première, en fait, vous allez voir, c'est totalement différent. Là, on dirait que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire parce qu'on a tous été déstabilisés. Ouais. Je t'ai pas vraiment aidé en niaisant de même. Hein? Non, mais hier, je vous parlais que ça allait être dans le style jazz un petit peu. Puis finalement, on a terminé avec une pièce qui était pas mal plus blues que jazz. Celle-ci, vous allez voir, on joue pas mal plus dans la sensualité qu'on peut retrouver dans le jazz. Est-ce que tu dis la sensualité? Non, j'ai dit la sensualité. Ben, ça serait beau comme mot. La sensualité. Ouais. Ouais. Mais vous allez voir, c'est quand même... je trouve que c'est quand même doux. Ça s'appelle Lanike et Motorin. Et au retour, on va s'en reparler. Ah, c'est parfait. Inquiète-vous ça. Pas. Huile de palmarès. But the words don't come, they move fast. C'est Home Shake avec Call Me Up. En fait, Home Shake, c'est un chanteur, compositeur, interprète de Montréal qu'on peut connaître sous le nom de Peter Sagar, qui est mieux connu pour étant le guitariste de Mac DeMarco, live band, mais il a décidé de faire son projet solo et ça l'a donné ça. J'adore ça. C'est excellent dans les oreilles. Je trouve que c'est calme. C'est pas trop électro, c'est pas trop pop. On parle vraiment de... Ouais, c'est ça. On parle de indie, indie rock, du soft rock, on parle même de R&B. Du rock détente, c'est ça que tu veux dire? C'est smooth en fait, ouais. Je trouve que ça s'écoute bien en arrière d'une conversation. C'est ça, en arrière-plan, c'est ça? En arrière-plan. Ah ouais. Et même si on se concentre en fait à juste écouter ça, c'est tout aussi merveilleux. Fait que je voulais vous la faire écouter. Donc, Peter Sagar, sa carrière, ça gare bien. Ça gare bien. Je voulais vous la faire écouter parce que je suis tombée en amour avec cette pièce-là. Et aussi, la dernière, avant ça, c'était Lanny Kay avec Mother Inn. Lanny Kay, c'est aussi une Canadienne. Donc, tous ceux que vous avez entendus dans les deux derniers segments ou dans les deux derniers jours, ce sont des Canadiens. C'est vrai, le 150e anniversaire du Canada, c'est tout le temps, toi. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Beaucoup d'artistes. On joue beaucoup dans le soul, on joue dans les années 60 aussi. Souvent, on va être connu pour être plus groove, pour être plus bougeant un petit peu. Mais là, je trouvais que cette pièce-là, elle se mariait bien à toutes les autres que j'avais déjà découvertes. Et on parle aussi de pouvoir travailler avec des groupes qu'on connaît déjà, comme Sloan, The Sheepdogs, The Stills. Donc, c'est merveilleux comme band. C'est un band qui ont pris leur nom à la suite d'une plage à Hawaï, donc la plage hawaïenne Lanny Kay. C'est un vrai nom, sachez-le. Si vous tapez ça sur Google, ça va vous amener aux plages à Hawaï. C'est L-A-N-I-K-A-I. C'est ça, exactement, mais c'est leur band. Donc, faites juste taper musique, après, vous allez trouver. Et sinon, sur Facebook, si jamais ça vous intéresse de voir d'autres de leurs vidéos, eh bien, c'est I am Lanny Kay. Ouais. Puis vous allez arriver sur la page Facebook. Cool. C'était bon, hein? Ouais. On va se laisser avec quelque chose qui n'est pas nécessairement une toune. Ou comme pas du tout. Vous allez voir. En fait, je parle de Roxane Bruno. Certains la connaissent peut-être pour sa chanson qui passe déjà à la radio pas mal commerciale. Numéro 1, c'est quoi? Exactement, c'est pas ce que je vais faire jouer, non. Ne vous inquiétez pas. Par contre, à la base, Roxane Bruno, elle a été connue sur Facebook pour faire des vidéos qui étaient de style comique. Okay. Et là, cette semaine, Elle a décidé d'en sortir un nouveau. Moi, ça l'a popé ce matin sur mon Facebook grâce à une de mes amies, justement, qui est sur Facebook, qui l'a posté. Mmh. Et j'ai trouvé très intéressant ses propos. Vous allez voir. À la base, il y a comme un style... Il y a un derrière d'humour derrière tout ça, il faut savoir. Ça peut être cru par certains moments. Par cru, je veux dire qu'il va y avoir des mots vulgaires qui vont boucher les oreilles de vos enfants. Sinon, ça reflète très bien ce qui se passe présentement avec tout ce qui est Harvey Weinstein, Éric Salvaille, Gilbert Rozon, Gilles Parent, comme on disait ce matin, pour ne pas les énumérer tous. C'est une vidéo qui dit « On parle pour parler », mais là, on parle de ça. Écoute ça, tout de suite. J'imagine que les vidéos partent sans son, même quand tu cliques sur « Play ». Peut-être. C'est cool. C'est merveilleux. Une femme sur trois va être victime d'abus sexuels au cours de sa vie. Assisez-vous, on va prendre le temps que ça va prendre, on parle pour parler parce qu'il y a beaucoup trop de monde mal informé qui parle pour rien dire. Mettez-vous confortable, ouvrez-vous une petite culture frette, hein? Tamisez lumière, on a un petit bout ensemble. Quand les scandales sexuels se sont mis à péter de partout, je me suis dit, m'en mêlerai pas. Parce que je me suis dit, si je commence à m'en mêler, m'en passer pour une opportuniste avide de likes. Après ça, j'ai fait comme tout le monde, je me suis mis à lire tous les commentaires que je voyais défiler dans mon timeline à propos des événements puis du hashtag moi aussi. Coudonc, tout le monde s'est fait violer. C'est le nouveau bucket challenge, ça devient ridicule. Hashtag balance ta chienne. C'est ça, ben c'est tout ce qui est le fun, Colin. Allô, bowling, c'est le fun. Faire fondre du Nutella sur de la crème à la glace à vanille, c'est le fun. Agresser sexuellement du monde? Bof! Que de victimes. Pas facile d'être femme. Avec un hashtag, c'est presque comme s'en faire agresser de mode. Dites-nous qui a pas été fourré. Une vraie Christie qui farce, ça sont pathétiques. Une femme qui fait ça pour son agresseur, c'est pas pathétique. Un homme qui est pas capable d'avoir une relation sexuelle sans la forcer... Oui! Tout d'un coup, ils ont tous été agressés. Bizarre. Comme si elle a pas aimé ça. Ben, c'est pas trop de cul. T'étais-tu là, toi? Bon, une autre! Après ça, je me suis dit, je m'en... Ta! Ça vole pas haut, là! Hey, avec des parents de même, normal que la génération d'après s'est mal informée, puis que la génération d'ensuite s'est mal informée, puis que la génération... Ta! À un moment donné, peux-tu avancer un peu? Là, on se le cachera pas, il y a beaucoup de gens qui me suivent sur Facebook, puis la majorité d'entre elles, c'est des jeunes filles. Fait que je suis vraiment une conne de pas essayer de passer un message, tu sais. Là, les filles, il y a des choses qu'il faut que vous sachiez, c'est important. Vous avez le droit. Vous avez le droit de dire non. Check bien ça. On va faire ça simple, on va se faire un schéma. Okay? Ici, là, c'est chez nous. C'est ma maison. Quand il y a du monde qui rentre, il n'y a pas personne qui s'installe sur la table accroupie pour chier. Ça s'appelle le respect. Ici, c'est chez nous, ça fait que le monde que je connais pas, il rentre pas, puis le monde que je connais, il rentre à condition de respecter mes règlements. Sinon, je les casse dehors. Fait que dis-toi que ton corps, là, c'est ton penthouse. Okay? Fait que c'est quelqu'un qui se met à foutre la merde dans, sur, proche de ton corps, tu lui montes la porte. Puis s'il veut pas prendre la porte, ben tu le casse dehors. C'est aussi simple que ça. T'as le droit de dire non. T'as le droit de t'habiller comme tu veux. Mini-jupe, bikini, jeans moulant, décolleté, scaphandre. C'est pas compliqué, t'as le droit de te faire une robe en brocheteau, ta p***, y'a pas personne qui a le droit de te regarder comme si t'étais une pièce de viande. Peu importe combien de centimètres carrés de peau je te vois sur le dos quand tu sors de chez toi, y'a aucune raison valable pour dire qu'elle l'a cherché un peu quand même, là. J'invente rien, là. Y'a du monde, même des filles, qui pensent que les gens qui ont été abusés sexuellement l'ont cherché, l'ont mérité, l'ont provoqué. Une fille, c'est pas comme un petit fromage, une présentation chez Costco. Tu touches pas, pis tu goûtes pas sans demander. Qu'est-ce qui est compliqué? T'as le droit de boire. Toi aussi, t'as le droit de t'arracher la face un soir pis de faire le party sans avoir peur de faire le geste qui va te mettre dans la merde. Dans quel mode d'emploi t'as lu, toi, qu'après 3 bières et demie, être obligé d'endurer tes cols déplacés, tes mains baladeuses pis ton insistance à te faire une place dans sa paire de jeans? Jamais lu ça nulle part. Et puis 3 bières, je suis généreuse, hein, parce qu'il y en a des pressés qui décident de mettre la drogue de l'amour dans le verre d'une fille pris au hasard dans un bar pour finir avec le corps inconscient de cette même demoiselle. Ça, faut que tu fasses à chaque fois que tu veux du sexe. T'es pas capable d'avoir une conversation avec une fille pis toi ton gros trip c'est un corps inconscient? Parce qu'à un moment donné, va t'acheter une poupée gonflable, man, au moins tu brises pas personne. T'as le droit de cruiser. Ton historique sexuel pis tes goûts sexuels donnent pas le droit à personne de t'obliger à faire quoi que ce soit. Peu importe avec qui t'as couché, peu importe avec combien de personnes t'as couché, parce que guess what? Même les travailleuses du sexe peuvent se faire abuser. C'est pas parce que tu flirtes un soir à grands coups de caresses de bec pis de regard qu'à 3h du matin t'es obligé de coucher. Ce qui m'amène au point suivant. T'as le droit de changer d'idée. Les filles, sérieux, arrêtez de vous sentir obligées de finir ce qui est commencé. Peu importe qui a commencé quoi, peu importe à quel point vous étiez dedans, t'as le droit de pas continuer. Puis là, tu ressens de la pression. Il est là, t'es là, vous êtes là. Tantôt, t'étais dans là, tu l'es plus. Il va se fâcher, il va dire quoi à ses amis, il va penser quoi à toi, t'es une conne, une agace, une salope. Hé! Hey! On s'en... Si ça prend une tournure pis que t'es plus dans, t'es plus d'homme. Puis si jamais, pour aucune raison particulière, ça te tente plus, ben ça te tente plus. T'as même pas besoin de trouver des raisons pour te justifier. Fais-moi confiance, là. C'est toi le boss, c'est ton corps. T'as le droit d'avoir ta limite à toi. Pour te donner une idée, moi, ma limite, est mince en temps. Moi, un gars bien chaud d'un bar qui me prend dans ses bras en me disant « juste aux femmes. » Je vais te montrer c'est quoi un vrai mâle. Tu m'agresses. Avec ta façon d'être dans ma bulle, tes propos, pis ta mauvaise haleine. Bon, là, je sais, il y en a une couple chez eux qui vont se dire « Bon, la lesbienne a dû se faire abuser toute sa jeunesse, fait que là, elle haït les hommes. Mais détrompe-toi, champion. J'étais chanceuse. » Pis c'est triste de penser que de pas s'être fait abuser une fois dans sa vie, ça relève de la chance. Pis là, ta limite, le monde, ils vont vouloir jouer avec. Ils vont vouloir la tester. Ben voyons, tous tes amis l'ont fait. Tout le monde a déjà couché, là. C'est quoi, t'es pas déniaisé, là? On pourrait traduire ça par « Sérieux, je suis une merde. Genre, tu devrais vraiment pas coucher avec moi, je te mérite pas. Délite mon numéro pis rappelle-moi jamais. » Cette personne-là suce la merde. Ça, c'est la même espèce de monde qui traite les filles de salopes quand elles couchent pis qui traite les filles de salopes quand elles couchent pas. C'est des génies, là. Ta limite, t'as le droit de l'instaurer même dans ton propre couple. Surprise! Ton propre partenaire peut abuser de toi. Sérieux, arrête de t'inventer des mots de ventre pis des mots de tête pour pas que l'autre personne se fâche. On est plus en 1960, là. Mesdemoiselles, ouvrez vos livres d'économie domestique à la page 67. Merci. Si votre mari suggère l'accouplement, acceptez alors avec humilité tout en gardant à l'esprit que le plaisir d'un homme est plus important que celui d'une femme. Lorsqu'il atteint l'orgasme, un petit gémissement de votre part l'encouragera et sera tout à fait suffisant pour indiquer toute forme de plaisir que vous ayez pu avoir. Des questions? T'as le droit de dire juste comme « Non, ça me tente pas ». Si toi, ça te tente pas de te la jouer Fifty Shades of Grey à soir, là, ben tu dis non. Pis si ton partenaire a de la misère à se faire dire non, tu peux toujours essayer de dire « Ben, ramasse ton fouet pis ton gag-bag pis décor. » T'as le droit de pas te sentir coupable, parce que non, c'est pas de ta faute. T'étais pas habillée comme une pute, t'avais pas trop bu, tu l'as pas cherché, tu le méritais pas, t'étais pas trop entreprenant, pis non, tu riais pas trop fort. T'étais juste toi, pis t'as le droit. À noter que la faute ne revient pas seulement aux hommes. Il y a des femmes qui ont de la misère à respecter la limite du monde. Là, je sais que j'ai l'air d'une espèce de lesbienne militante contre les hommes, mais ça n'a rien à voir. Si j'ai fait cette vidéo-là, c'est pour que mes abonnés, peu importe leur sexe, peu importe leur orientation sexuelle, peu importe leur genre, soient conscients. Je l'ai faite par pure conscience sociale. Vous me connaissez, c'est loin d'être le genre de vidéo que je pose sur Facebook. C'est juste que je t'aboute qu'on s'assise avec nos jeunes en leur dressant une liste des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire par peur. Elle est classique, là, genre, où c'est que tu penses aller habiller de même? Tu vas te changer immédiatement, jeune fille. Si tu sors dans un bar, surveille toujours ton verre parce qu'il y a du monde qui vont mettre de la drogue dedans. T'as-tu vu l'heure? T'as marché à la maison toute seule, pas accompagnée. T'aurais pu m'appeler? Il aurait pu t'arriver n'importe quoi? Sérieux, on peut-tu juste leur foutre la paix? Puis juste inculquer à tout le monde autour que son corps, ben, il appartient encore après le coucher du soleil. Puis pour les mêmes baladeuses qui se seraient rendues par miracle jusqu'ici dans la vidéo, les règles sont super simples. Quand c'est non, quand rien n'est dit, c'est non, puis quand c'est oui, ça peut devenir non. Puis si t'as de la misère à inculquer ces trois règlements-là dans ta tête, rends-nous service, puis reste enfermé chez vous avec une boîte de Kleenex double épaisseur. OK? Merci. Oh, wow! Excellent! Ouais, c'était mon petit vidéo que je voulais vous donner, en fait. Pour ceux qui ont peut-être eu de la difficulté à comprendre ce qu'elle disait, parce qu'elle parle quand même vite par certains moments, allez faire un tour sur la page Facebook de Roxane Bruno. Peut-être vous allez plus comprendre aussi. Et le bout qu'elle a dit à un certain moment, comme quoi le plaisir de l'homme était beaucoup plus important que le plaisir de la femme et qu'on devait peut-être faire juste un petit bruit de gémissement pour qu'il puisse avoir du plaisir. Eh bien, c'est un vrai bout d'un livre d'économie sociale des années 1960. Hey, ça fesse. C'est ça. Ça fesse. Donc, du contenu intelligent dans les palmarès, c'est fou, ça fait... Ça fait du bien. Ça fait changement, ça fait du bien. Hein? Merci, Tania. Ça fait plaisir. Il nous reste juste assez de temps pour aller entendre les numéros 1. Donc, du côté anglophone, ce sera Ben Sinister qui monte d'une place. On les aime tellement avec Move a Little Slower. Mais du côté francophone, on monte de la troisième position. Voici Mon Doux Seigneur et Ici-Bas. Au problème, c'est fou! Au 89 à faire. Au 89. Au 89. C'est l'espagnol, ça. C'est ça, exactement. Un petit jeu de nuages.